qui vit de la... qui souffre d'anorexie, boulimie, boulimie ou anorexie, je ne suis pas une des deux, je pense que c'est la boulimie. Hein. Puis, ma femme, elle l'a appelé à Québec, puis elle a demandé, elle a dit, vivez-vous une sorte de voix qui vous commande de la petite fille? Elle a dit oui.